passé entre nous. Nous amusions comme des petits fous. Il nous fallait un peu de temps pour que cette flamme de longtemps, que nous puissions nous voir le plus souvent. Diamant, tu es celle qui apaise mes tourments. Quand tu es là, je rayonne de joie. Les sentiments qui fusionnent s'harmonisent au battement de ton cœur. Qui fusionne, s'harmonise au battement de ton